الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأوضح لنا الحلال والحرام أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على سوابع الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بالخير العميم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن من تمام الإسلام وكمال الإيمان كف الأذى عن المسلمين والابتعاد عن كل ما تحصل به الإهانة لأخيك المسلم أو يخدش من كرامته سواء كانت الإساءة باليد أو باللسان وإن ترك المعاصي فكل مسلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يتجنب المحرمات طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه فهذا الحديث عباد الله يوضح حقيقة المسلم وإن المسلم حقيقته هو الذي سلم المسلمون من شره وسلم من بطشه بيده وسلم من هتك أعراضهم وسلم من هتك أعراضهم بلسانه وهذا هو المسلم عباد الله إن الإسلام دين شامل في جميع الأحوال حالة المرء مع ربه وخالقه وحالته مع المجتمع وكذلك مع أسرته وحالته مع جيرانه وقربائه وأقربائه وحالته مع أصدقائه وكذلك مع أعدائه وليس الدين الإسلامي مقتصرا على محض صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو تسبيح وتلاوة أو عبادة مالية أو عبادة بدنية فحسب ليس كذلك بل هو مع هذا كله طاعة لله في كل ما أمر الله به واجتناب لكل ما نهى عنه وترك للذنوب وابتعاد عن كل المعصية عن المعصية فإن الله جل وعلا نهى عن كل ما يكون سببا للعداوات سببا للبغضاء سببا للتقاطع بين الأقارب والأصدقاء وحذر الله جل وعلا من النواهي ورتب على مرتكبها أحكاما مقدرة ليسود الأمن بين المجتمع عباد الله الله عز وجل أمرنا أن نكون مؤمنين بحقيقة الإيمان ويجب علينا جميعا المؤمن يجب علينا جميعا إذا فهمنا هذا أن نكون من المؤمنين الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير لنا من هذه الدنيا وما فيها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع وكما قلنا في الخطبة السابقة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لسماع أحاديث وأقوال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc on remercie serviteur d'Allah, chaque croyant, chaque croyante, celui qui nous a facilité l'écoute des paroles du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est pour cela que à travers ces sermons, on a choisi d'évoquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La fois dernière, on avait évoqué une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte d'après Allah, lorsqu'Allah a dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». Et cela était le rappel du vendredi précédent. Sachez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour des gens, a fait une invocation en disant qu'Allah fasse resplendir de beauté des gens qui entendent ma parole et la transmettent comme ils l'ont entendu. Et ce hadith est authentifié par des grands spécialistes du domaine, du fait que celui qui entend une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'entend et la transmet comme il l'a entendu, alors le prophète a invoqué pour ces gens. Et il a invoqué en disant, dans une traduction approximative et relative, en disant qu'Allah fasse resplendir de beauté ces gens qui vont entendre une parole de moi et la transmettront comme ils l'ont entendu. Et le prophète s'en sème ensuite de dire, il se peut que celui qui, à qui parviendra mes propos soit plus attentif que celui qui les a entendus. Et pour ce fait, aujourd'hui on va évoquer un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith court, mais vous allez voir qu'il renferme des sens qui sont immenses et des leçons et des enseignements immenses. Un hadith qu'il faut apprendre et qu'il faut enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit nous dit « Al-muslim man salim al-muslimun la min lisanihi wa yadi » Al-muslim, le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Ce récit est court. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, avait cette particularité, ce don de pouvoir exprimer des enseignements immenses à travers de courtes parole. Regardez dans ce récit, le prophète sallam nous dit « Al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi » Ce récit, pour tout musulman qui veut être un bon musulman, ce récit est une base pour comprendre quel est le bon musulman. Donc toi mon frère, si tu veux être un bon musulman, écoute cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Le musulman, c'est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. Ça, c'est le bon musulman. Et là, on répond à une question qui est immense, que chacun se pose. Comment être un bon musulman? Alors, apprends cette parole du messager d'Allah et mets-la en application. Et de grands théologiens font le rappel justement que beaucoup de musulmans, walillah ilhamd, sont fervents dans l'accomplissement de certaines actions et bonnes œuvres, comme la prière, le fait d'accomplir leur prière, le fait de s'acquitter de la zakat, et le fait de faire des aumônes, le fait de faire des bonnes actions. Beaucoup de musulmans, walillah ilhamd, par la grâce d'Allah, sont fervents dans cela, mais ils ne retiennent pas leur langue. Ils n'arrivent pas à retenir leur langue. Alors ils prient, et certains même d'entre eux font même des prières nocturnes, font des bonnes actions, ils œuvrent, ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal par ses œuvres pieuses et bonnes, mais ils n'arrivent pas à retenir leur langue. Alors ils attendent à la pudeur des gens. Et les gens sont pas à l'abri de leur langue. Les gens sont pas à l'abri des méfaits de leurs paroles. C'est pour ça que certains, ils prient, ils jeûnent, ils ont même fait le pèlerinage pour beaucoup. Mais les gens sont pas à l'abri de leur langue. Alors lorsqu'ils sont face à An-Namima, la médisance, la calomnie, le mensonge, les faux témoignages et autres, alors ces gens-là n'arrivent pas à se retenir. Et ensuite, ils commettent des méfaits avec leur langue. Tu veux être un bon musulman, préserve ta langue. Et que les autres soient à l'abri des méfaits de ta langue. De ce fait, un bon musulman, ses amis, ses proches, sa famille, ses voisins, les gens qui l'environnent, ses amis, les gens qu'il côtoie, les gens proches ou bien lointains, sont à l'abri de sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rajouter dans ce récit, ils sont aussi à l'abri de sa main. Donc les gens, ton voisin, ton proche, ou la personne lointaine, est à l'abri, il ne craint ni ta langue, il ne craint ni ta main. Ça, c'est l'affaire du bon musulman. C'est pour ça que ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit court, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده هذا هو المسلم حقيقة الإيمان la foi véritable le bon musulman. Alors il faut faire un effort sur soi-même, il faut faire un travail sur soi-même, le fait de faire les bonnes œuvres, il faut faire les bonnes œuvres, il faut accomplir sa prière autant prescrit, il faut faire ces œuvres-là, mais aussi il y a une deuxième chose qui est le fait d'éviter ce qu'Allah Jalla wa Ala a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour nous. Et si on observe cela, alors les gens vivront en harmonie. Et de ce fait, le musulman, pour terminer, doit éviter toute forme de calomnie, toute forme de médisance, toute forme de mensonge, toute forme de faux témoignage, tous ces péchés qu'on fait avec la langue. Le fait de se moquer des autres, le fait de rabaisser les autres, le fait de prendre les autres en raillerie, le fait de semer la discorde entre les gens. Combien de gens au téléphone perdent leur temps dans des discussions futiles pour semer la discorde entre les gens, à parler d'un tel et à parler d'un tel sans qu'il y ait aucune utilité. La fit dunya ou la fit akhira. Alors qu'on pourrait s'enseigner des bonnes paroles, alors qu'on pourrait apprendre des choses, alors qu'on pourrait évoquer les paroles du messager d'Allah et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fanasallaha jalla wa ala at-tawfiq wa sadad. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Allahumma aghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين